الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Chers frères et sœurs, nous continuons ce soir la lecture et l'explication de cet épître de l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, dans laquelle il a mentionné quelques leçons tirées de sourate al-Fatiha. Nous avons vu hier que dans les trois premiers versets de cette sourate, on retrouve les piliers de l'adoration qui sont l'amour, l'espoir et la peur. Lorsque tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tu loues Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il t'a accordés, ces bienfaits qui sont indénombrables, et tu le loues par amour et par vénération. Ensuite, lorsque tu récites Ar-Rahman Ar-Rahim, ceci éveille en toi de l'espoir. L'espoir de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu espères qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte tes bonnes actions. Tu espères qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde et te rétribue en bien pour ses actions. Et tu as une bonne pensée de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala qui est Ar-Rahman, Ar-Rahim. Et tu espères qu'il te pardonne les péchés dont tu t'es repenti. Et avec cela, avec cet espoir, tu as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Tu as donc peur qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit en colère contre toi en raison d'un péché que tu as pu commettre, et qu'il te châtie en raison de ce péché. Tu as peur également qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas tes œuvres et que tu sois privé de leur récompense. Tu réunis donc dans l'ensemble de tes adorations, entre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'espoir de sa miséricorde et la peur de son châtiment. Et ces trois-là sont, comme on a dit, les piliers de l'adoration. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, a dit « وَفِي هَذِهِ الثَّلَاثِ أَرَّدُّ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ » Et dans ces trois versets, ou dans ces trois piliers, qui sont les piliers de l'adoration, l'amour, l'espoir et la peur, il y a la réfutation de ceux qui s'attachent à l'un de ces piliers. كَمَنْ تَعَلَّقَ بِالْمَحَبَّةِ وَحْدَهَا Comme ceux qui s'attachent seulement à l'amour. وَتَعَلَّقَ بِالْرَّجَاءِ وَحْدَهَا Ou qui s'attachent seulement à l'espoir. وَتَعَلَّقَ بِالْخَوْفِ وَحْدَهَا Ou alors qui s'attachent seulement à la peur. Il y a des gens qui prétendent aimer Allah subhanahu wa ta'ala seulement par amour. D'autres qui ont fait prévaloir l'espoir et d'autres qui ont fait prévaloir la peur. Et tous s'opposent à la voix des prophètes et des messagers, alayhim salat wa salam, comme on va le voir à travers ce que l'auteur a mentionné. Ensuite il dit, فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكِ Quiconque voue une de ces choses à autre qu'Allah est un mushrik, c'est-à-dire qu'il a commis du polythéisme. Quiconque voue son amour à autre qu'Allah. Comme on l'a vu hier, parmi les gens, il y en a qui aiment autre qu'Allah comme on aime Allah. Un amour accompagné de vénération, d'humilité, d'avilissement. Cet amour-là, il ne doit être voué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui le voue à autre que lui, il est tombé dans le shirk. Également, ce qui concerne l'espoir. Il y a parmi les gens certains qui espèrent d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala une chose dont seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable. Comme le fait d'espérer d'une créature, la guérison d'une maladie, le pardon de tes péchés, l'entrée au paradis, ou autre chose semblable, comme le font ceux qui se rendent avilis et humiliés auprès des tombes et des mausolées pour les invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là ont espoir en ces créatures, en ces tombes, en ces morts qu'ils adorent, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cela qu'ils tombent dans ce polythéisme, dans ce shirk qui les fait sortir de la religion de l'islam, wal'iyadu billah. Et il en est de même concernant la peur. Quiconque a peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de sorte à craindre que cet autre, de par sa capacité et sa volonté indépendante, l'atteigne d'un mal, sans même être en contact avec lui. Ou qui a peur d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui craint que cet autre ne l'atteignent d'une chose dont seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable, comme le fait de craindre qu'une créature le rende malade ou lui retire son âme, ou autre chose semblable, comme on le retrouve également chez ceux qui adorent les tombes et les mausolées, wal'iyadu billah. Et tout ceci relève du shirk, du polythéisme, dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Donc le shaykh rahimahullah ta'ala, il insiste sur ce point qui est d'une grande importance. Et comme on le sait, pour ceux qui ont étudié d'autres épîtres de cet imam, l'auteur rahimahullah ta'ala donne une grande importance à l'appel au tawhid et à la mise en garde contre le shirk. Car l'appel au tawhid est l'appel des prophètes et des messagers alayhim salatu wassalam. Ils sont tous venus pour appeler leur peuple à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et leur interdire de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit « وَفِيهَا مِنَ الْفَوَائِدِ الرَّدُّ عَلَى الثَّلَاثِ الطَّوَائِفِ التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها. Il y a comme leçon de cette sourate la réfutation de trois groupes qui, chacun d'entre eux, s'attache à l'un de ses piliers, à l'un des piliers de l'adoration. كمن عبد الله تعالى بالمحبة وحدها. Comme ceux qui adorent Allah seulement par amour. À l'exemple des soufis et leurs semblables parmi les adorateurs ignorants. Il y en a même certains qui disent « Nous n'adorons pas Allah par peur de son feu ou par désir de son paradis, mais nous ne l'adorons que par amour. » Et certains prétendent même qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par désir du paradis revient à rechercher un bénéfice de cette adoration à l'exemple des commerçants wal'iyadu billah. Et ils qualifient cela de l'adoration des commerçants. Et ceci fait partie des paroles les plus graves et les plus fausses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans son noble livre ce qui démontre la fausseté de cette parole. Comme lorsqu'il dit au verset 57 de Surat al-Isra, décrivant ses prophètes et ses serviteurs vertueux, « Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasila ayyuhum aqrab. » Ceux-là sont ceux qui l'invoquent et qui recherchent à se rapprocher davantage de leur Seigneur. Ensuite, comment les décrit-il ? « وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَ. Ils espèrent sa miséricorde et ils ont peur de son châtiment. Ils espèrent sa miséricorde et ils ont peur de son châtiment. Donc on voit que les prophètes, alayhim salatu wassalam, et les vertueux, ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec peur et espoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 90 de Surat al-Anbiya, décrivant ses prophètes, « إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ » Ils s'empressaient dans les œuvres de bien. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا Et ils nous invoquaient par désir et effroi, c'est-à-dire par espoir et par peur. رَغَبَا, par désir, c'est-à-dire qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala espérant sa miséricorde et sa grâce. Et رَهَبَا, par effroi, c'est-à-dire par peur de son châtiment, par peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit bien que il est indispensable pour le croyant de réunir, en plus de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre la peur et l'espoir dans l'ensemble de ses adorations. Et c'est pour cela que certains parmi nos salafs, rahimahumullah ta'ala, ont dit « Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seulement par amour est un hérétique. » Ensuite il dit rahimahullah « وَكَذَلِكَ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالرَّجَى وَحْدَى كَالْمُرْجِئَى » Également, il y a dans cette sourate la réfutation de ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala seulement par espoir. À l'exemple des Murji'a. Les Murji'a, ce sont une secte qui ont repoussé les actes de la foi. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la foi n'augmente pas et ne diminue pas et que les actes ne font pas partie de la foi. Pour eux, il n'y a pas de différence entre le serviteur le plus vertueux et le plus pervers d'entre eux. Leur foi est identique. Et ils en sont arrivés à cela en raison de leur négligence des textes relevant de la menace et du châtiment, et de leur attachement aux textes relevant de la promesse, du pardon et de la récompense. C'est-à-dire qu'ils n'ont tenu compte que des textes dans lesquels il est fait mention de la miséricorde d'Allah, de son pardon, du paradis, et ainsi de suite. Et ils n'ont pas tenu compte des textes dans lesquels il y a la menace du châtiment, la menace de l'enfer, et ainsi de suite. Et cela les a conduits à négliger les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, à transgresser ses interdits. Et malheureusement, on retrouve les effets de la croyance de cette secte chez nombre de personnes parmi les musulmans aujourd'hui. Lorsque tu blâmes quelqu'un concernant ses agissements et qu'il te répond « oui, mais la foi est dans le cœur ». Ou si après avoir commis un péché et s'être fait blâmer, il dit « oui, mais Allah est pardonneur et miséricordieux » et il continue de faire son péché. Ceci sont les effets de la croyance des murji'a. Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux pour celui qui se repent, non pas pour celui qui persiste et s'obstine dans les péchés. La foi est dans le cœur, effectivement, mais elle se manifeste à travers les actes. Il n'est pas possible pour une personne de prétendre être pieuse et vertueuse dans son cœur, alors que ses actes démontrent tout le contraire, wal'iyadu billah. Donc vous voyez à travers cela l'importance d'étudier la croyance authentique et de ne pas se laisser leurrer par tous ces prédicateurs à l'égarement aujourd'hui qui appellent au délaissement de l'apprentissage de cette croyance ou qui négligent son apprentissage et son enseignement, et voudrait que l'on ne parle plus de la croyance authentique et de la mise en garde contre les croyances fausses et erronées qui s'opposent à la croyance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, l'apprentissage de cette croyance authentique et la mise en garde contre le faux et contre les adeptes du faux fait partie des plus grandes obligations et des choses d'une grande importance dans notre religion. Car si personne ne met en garde contre le faux et contre les adeptes du faux, alors leurs faussetés, leurs égarements et leurs innovations vont se propager parmi les musulmans, Allah al-musta'an. Ensuite il nous dit « وَكَذَلِكَ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِالْخَوْفِ وَحْدَهُ كَالْ خَوَارِجِ » Et de la même manière, ceux qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala par la peur seulement, à l'exemple des Khawarij. Les Khawarij, ce groupe que vous connaissez tous, qui ont rendu licite le sang des musulmans et qui sortent et se rebellent contre la communauté contre les détenteurs de l'autorité parmi les musulmans. Cela, les Khawarij, ils ont fait le contraire des Murji'a. Ils n'ont tenu compte que des textes de la menace et du châtiment, et n'ont pas tenu compte des textes dans lesquels il est fait mention du pardon et de la miséricorde et de la récompense. Et c'est pour cela qu'ils en sont venus à taxer de mécréance les musulmans, en considérant que celui qui commet un grand péché est sorti de l'islam, wal'iyadu billah. Alors que la croyance juste à ce sujet est que l'auteur des grands péchés, parmi les musulmans, s'il meurt sur cela sans s'en repentir, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le pardonnera. Et si Allah veut, il le châtiera à hauteur de son péché. Et s'il se repent avant de mourir dans ce bas monde, alors Allah pardonne à celui qui se repent. Donc quoi qu'il en soit, on retient ici qu'il est indispensable pour le croyant de réunir entre ces trois choses, l'amour, l'espoir et la peur. Et la voie du juste milieu est la voie des gens de la sunna, qui ont réuni entre ces trois, et ce, en réunissant entre l'ensemble des textes, entre les textes de la menace et les textes de la promesse. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim » Informe mes serviteurs que je suis le pardonneur, le très miséricordieux. Ceci éveille en toi de l'espoir. Wa anna azabi huwa al-azab al-alim. Et que mon châtiment est le châtiment douloureux. Et ceci éveille en toi la peur. Donc le croyant, il chemine toujours entre peur et espoir dans l'ensemble de ses actes et de ses adorations. Il espère la miséricorde d'Allah, l'acceptation de son œuvre et le pardon de ses péchés, desquels il se repent. Et il a peur du rejet de ses œuvres et du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa sanction en raison des péchés qu'il a commis. Donc lorsque tu dis « Iyyaka na'bud », c'est toi seul, ô Allah, que nous adorons, c'est-à-dire nous t'adorons avec amour, espoir et peur, ô Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le shaykh rahimahullah ta'ala a dit « Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, fiha tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-rububiyya » Dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon le sens, c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Il y a l'unicité dans l'adoration et l'unicité dans la seigneurie. Iyyaka na'bud fiha tawhidul uluhiyya. Dans la parole Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. Il y a l'unicité dans l'adoration. En effet, lorsque tu dis c'est toi seul que nous adorons, tu affirmes qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré. Donc tous les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour se rapprocher de lui, à l'exemple de la prière, la zakat, le jeûne, la prosternation, le sacrifice, le vœu, l'invocation, et également les adorations du cœur, la peur, l'espoir, l'amour, et ainsi de suite. Tous ces actes, tu ne les voues qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud. C'est toi seul que nous adorons. Et médite ici sur la situation de ceux qui récitent ce verset, puis que se rendent auprès des tombes et des mausolées pour invoquer les morts et leur adresser des demandes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où en sont-ils de cette parole? Cette parole qu'ils récitent quotidiennement dans leur prière. Iyyaka na'bud. C'est toi seul que nous adorons. Il dit, c'est toi seul que nous adorons. Puis ensuite, il invoque Sidi Foulan ou le Wali Foulan et ainsi de suite. C'est toi seul que nous adorons, puis il va sacrifier une bête auprès de la tombe du Wali ou pour un sorcier ou pour les djinns, wa l'ayadu billah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, wa iyyaka nasta'in fiha tawhid ar-rububiyyah. Dans la parole, c'est de toi seul dont nous implorons l'aide, il y a l'unicité dans la seigneurie. Pourquoi il y a l'unicité dans la seigneurie dans ce verset? Car le fait de venir en aide fait partie des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'unicité dans la seigneurie, dans son sens général, revient à unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ensemble de ses actes. Et parmi ses actes, le fait de venir en aide. Donc c'est de toi seul dont nous implorons l'aide, car il n'y a que toi qui peux nous aider. Qui peut nous aider à quoi? Pourquoi ici il est mentionné la demande d'aide, après la mention qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul que nous adorons? Il y a un bénéfice immense ici à retenir. Et c'est le fait que cette adoration, que tu ne dois vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu dois accomplir pour Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement et exclusivement, tu ne pourras la concrétiser et tu ne pourras la réaliser qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'après avoir dit « Iyyaka na'bud », c'est toi seul que nous adorons, tu dis ensuite « Wa iyyaka nasta'in ». Et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide, c'est-à-dire nous implorons ton aide à toi seul, afin que tu nous aides et que tu nous facilites l'accomplissement et la réalisation de ton adoration seule sans associé. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, de dire « Ihdina s-sirat al-mustaqim, fiha ar-raddu ala al-mubtadi'in ». Dans sa parole, « Guide-nous sur le droit chemin ». Il y a la réfutation des innovateurs. Comment pourrait-on comprendre, à travers ce verset, une réfutation des gens de l'innovation? C'est une demande que tu adresses à Allah de te guider sur le droit chemin. Pour comprendre en quoi se trouve dans ce verset une réfutation des gens de l'innovation, il faut comprendre qu'est-ce que le droit chemin. Quel est ce droit chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre? C'est un chemin qui est unique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié comme étant droit, il n'est pas déviant. Et celui qui emprunte ce chemin, alors ce chemin le mènera vers le paradis. Tandis que celui qui dévie de ce chemin et qui emprunte d'autres voies pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il se met en danger et s'écarte de la voie du paradis. Et le chemin droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre, tu ne pourras le suivre qu'en empruntant la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est lui qui nous a indiqué ce chemin et qui nous l'a montré. Et si tu dévies de ce chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé pour nous, alors tu vas t'écarter du chemin droit et emprunter des sentiers qui risquent de te mener à l'égarement puis au châtiment, wa l'ayadu billah. Un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait droit avec sa main sur le sol. Et il a dit, ceci est la voie d'Allah, dans toute sa rectitude, un chemin droit, sans tortuosité. Ensuite, à sa droite et à sa gauche, il a fait d'autres traits, des traits obliques. Et il a dit, ceux-ci sont les sentiers. Et à chaque sentier se trouve un diable qui y appelle. Puis il a dit, wa anna hada sirati mustaqima, fattabi'u. Il récita la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dont les sens rapprochés sont. « Ceci est mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc. »« Wa la tattabi'u subul » et ne suivez pas les sentiers. « Fatafarraqa bikum an sabili » car les sentiers vous écarteront de sa voie, ils vous écarteront du droit chemin. Donc celui qui dévie et s'écarte du droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et suit les sentiers en suivant une autre voie que celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il se met en danger, et il n'est pas sur le droit chemin, Et c'est pour cela que ce verset contient la réfutation et la réplique aux gens de l'innovation. Car l'innovateur, qu'est-ce qu'il fait? Il emprunte une autre voie que celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il instaure des nouvelles choses dans la religion, des choses que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas légiféré. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith, « Celui qui instaure dans notre ordre une chose que nous n'avons pas ordonnée, alors ceci est rejeté. » Et dans une autre narration, « Celui qui fait une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, celle-ci sera rejetée. » Donc l'innovateur, il a emprunté un autre chemin que le chemin du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est donc pas sur le droit chemin, wal'ayyadu billah. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, وأما الآيتان الأخيرتان ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس. Quant aux deux derniers versets, ils comprennent comme bénéfice la mention des situations des gens. Donc les deux derniers versets, ce sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, صراط الذين أنعمت عليهم, le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les situations des gens. L'auteur nous dit, قَسَمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ. Allah les a divisés en trois groupes. مُنْعَمُ عَلَيْهِ وَمَغْضُوبٌ عَلَيْهِ وَضَالٍ. Celui qui est comblé de faveur, celui qui encourt la colère, et celui qui est égaré. Ceci sont les trois catégories de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans ces versets. Et le Cheikh nous dit, فَالْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ أَهْلُ عِلْمٍ لَيْسَ مَعَهُمْ عَمَلٍ. Ceux qui ont encouru la colère, ce sont ceux qui ont la science, mais qui ne la mettent pas en pratique. Ils connaissent la vérité, mais ils la délaissent sciemment, que ce soit par suivi des passions, ou par fanatisme pour leurs ancêtres, ou pour la personne qu'il révère, ou autre chose semblable. Celui qui connaît la vérité ne la met pas en pratique, qu'il la délaisse et s'en détourne. Alors celui-ci, il encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous dit, وَالضَّالُّن أَهْلُ عِبَادَةٍ لَيْسَ مَعَهَا عِلْمٍ. Les égarés, ce sont des gens adeptes de l'adoration. Mais cette adoration est dépourvue de science. Ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans science, à l'exemple des gens de l'innovation, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala par des choses instaurées en religion. Donc ce sont des gens qui font des efforts dans l'adoration, mais ils sont dans l'égarement, car leurs œuvres sont rejetées en raison de l'absence de science et du fait qu'ils n'ont pas fondé ces actes sur la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, وَإِنْ كَانَ سَبَبُ النُّزُولِ فِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَهِيَ لِكُلِّ مَنِ اتَّصَفَ بِذَلِكَ. Si la cause de la révélation, c'est-à-dire de ces deux versets, est sur les juifs et les chrétiens, les juifs qui ont eu la science, qui connaissaient la vérité, qui savaient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien le messager d'Allah, dont ils connaissaient la description, mais qui ont délaissé son suivi sciemment, en connaissance de cause. Ils avaient donc la science, mais ils ne l'ont pas mise en pratique. Et les chrétiens qui, eux, œuvrent sans science et ont instauré des choses nouvelles en religion. Ils se sont consacrés à l'adoration, mais avec ignorance, et se sont donc égarés. Le cheikh, il nous dit, bien que la cause de la révélation soit sur les juifs et les chrétiens, elle concerne toute personne qui se caractérise d'une de ces deux caractéristiques. C'est-à-dire que toute personne qui a la science et délaisse sa mise en pratique. Et toute personne qui fait des efforts dans la mise en pratique sans science, avec ignorance, alors il est concerné par ce verset. Soit il fait partie de ceux qui ont encouru la colère, en raison de son délaissement de la mise en pratique de la science qu'il a apprise, soit il fait partie des égarés, en raison de ses efforts dans les actes, avec ignorance et sans aucune science. Et c'est à ce sujet que certains parmi nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ont dit, quiconque se corrompt parmi nos savants, alors il y a en lui une similitude avec les juifs. Et quiconque se corrompt parmi nos adorateurs, alors il y a en lui une similitude avec les chrétiens. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit concernant le troisième groupe, الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم. Le troisième groupe, qui est le meilleur des trois, est ceux qui se sont parés de la science et de sa mise en pratique. Et ce sont ceux qui ont été comblés des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ » Et quiconque obéit à Allah et à son messager, « فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ » Alors ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs. Et qui sont-ils ? « مِنَ النَّبِيِّينَ » Parmi les prophètes, « وَالصِّدِّيقِينَ » Les véridiques, « وَالشُّهَدَى » Les martyrs, « وَالصَّالِحِينَ » Les vertueux, « وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا » Et quel bon compagnon que cela ! Quel bon compagnon que les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi eux. Donc si tu souhaites les avoir pour compagnons, si tu souhaites être avec eux, alors tu dois impérativement réunir entre deux choses qui sont la science profitable et la mise en pratique de cette science en accomplissant des œuvres pieuses. Et ici j'attire une fois de plus votre attention, comme je l'ai déjà fait dans de nombreux cours, que la science en elle-même ce n'est pas une finalité. La finalité, ce n'est pas de connaître, mais la finalité, c'est de mettre en pratique ce que tu apprends. C'est une bonne chose de donner de l'importance à l'apprentissage de la science. Mais en plus de cet apprentissage, tu dois veiller à mettre en pratique. Tu ne dois pas rester insouciant et indifférent à ce que tu entends et à ce que tu apprends. Mais chaque cours que tu écoutes, chaque livre que tu lis, chaque hadith, chaque verset dont tu prends connaissance, il doit faire monter ta foi. Et ceci doit se voir sur ton comportement et sur tes actions. Il n'est pas normal qu'une personne écoute de nombreux cours ou lise de nombreux livres et que ce comportement ne change pas, qu'il reste toujours le même, qu'il ne se réforme pas, qu'il ne s'améliore pas. Ceci est un problème. Et ceci démontre une forme d'indifférence et de détournement et de négligence vis-à-vis de cette science qu'il entend et qu'il apprend. Donc chacun d'entre nous, mes frères et sœurs, doit se rappeler à l'ordre et prendre conscience que cette science que l'on apprend, ce sera un argument en notre faveur ou en notre défaveur. Elle sera un argument en notre faveur si nous la mettons en pratique, que nous veillons à nous appliquer dans les œuvres de bien et dans la mise en pratique de ce que l'on entend et de ce que l'on apprend. Et ce sera un argument en notre défaveur si nous la négligeons, la délaissons et ne la mettons pas en pratique. Wallahu al-musta'an. Ensuite, le shaykh, rahimahullah, après avoir mentionné les différents bénéfices que l'on tire de chacun des versets de cette sourate, il a dit « وَفِيهَا مِنَ الْفَوَائِدِ » Et elle comprend aussi comme leçon, c'est-à-dire sourate al-Fatiha, « التَّبَرُّؤُ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ لِأَنَّهُ مُنْعَمٌ عَلَيْهِ » Le fait que tu aies conscience que tu n'as ni force ni puissance, car tu es comblé de faveur. Tout ce que tu atteins comme bien, tu ne peux l'atteindre que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِيَّاكَ نَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ La voie de ceux que tu as comblés de faveur. C'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir pu emprunter ce chemin. C'est une faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordée de t'avoir compté du nombre des musulmans. Combien y a-t-il de gens sur terre ? Des milliards. Et parmi ces milliards, combien sont ceux qui ont été guidés à cette religion? Une minorité. Et parmi cette minorité, combien sont ceux qui ont été guidés à la voie droite dans cette religion, au suivi de la sunna, au suivi de la voie des pieux prédécesseurs? Une minorité dans une minorité dans une minorité, ainsi de suite. Tu dois être conscient de cela, que ceci est une faveur immense et une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu aurais pu faire partie de ceux qui ont encouru sa colère, ou des égarés. Donc celui qui t'a préservé de cela et qui t'a placé parmi ceux qui seront, incha'Allah ta'ala, en compagnie des prophètes, des véridiques, des martyrs et des vertueux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas par ton intelligence, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, ce n'est pas par tes efforts, mais c'est seulement une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu es conscient de cela, tu vas faire des efforts pour lier et attacher ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas être pris de vanité. Nombreux sont ceux qui, lorsqu'ils empruntent le droit chemin, sont pris d'orgueil et de vanité, au point même d'en venir à mépriser ceux qui sont sur ce quoi il était hier. Il va mépriser les gens qui sont dans l'insouciance, dans les péchés, et qui commettent certaines actions que lui encore? Il accomplissait hier. Ne les méprise pas, mais remercie Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a guidé sur le droit chemin et qui t'a sorti de ses égarements, de ses déviances, de ses péchés, de ses mauvaises actions. Sois conscient de la grâce de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, et que sans son aide, tu n'aurais pu suivre le droit chemin. Comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dans une de ses poésies. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. Si ton Seigneur avait voulu, tu aurais aussi été comme eux, et le cœur est entre les doigts du tout miséricordieux. Si ton Seigneur avait voulu, tu aurais été aussi comme eux, et le cœur est entre les doigts du tout miséricordieux. Il les retourne comme il veut. C'est pour cela qu'on doit multiplier cette invocation. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ensuite le shaykh rahimahullah ta'ala nous dit: وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى. Également il y a dans cette sourate, dans sourate al-Fatiha, la connaissance de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala et la négation de tout manquement concernant Allah tabarak wa ta'ala. Si tu médites sur cette sourate, tu sauras qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait, que ses noms et ses attributs sont parfaits. Et cette méditation, elle fera augmenter ta foi et ta certitude. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَفِيهَا مَعْرِفَةُ الْإِنسَانِ رَبَّهُ وَمَعْرِفَةُ نَفْسِهِ. Il y a dans cette sourate également la connaissance de l'homme, de son Seigneur et de sa propre personne. Tu connais Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette sourate et tu connais ta personne. Tu reconnais ta faiblesse. Tu reconnais ton indigence. Le fait que tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que tu récites cette sourate et que tu la répètes dans chacune de tes unités de prière. Car tu as besoin de ton Seigneur, tu as besoin de son aide. Tu as besoin qu'il te guide. Tu as besoin de prononcer cette invocation immense qui, si elle est acceptée de toi, alors tu seras sur le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Et où en sommes-nous de cette invocation? Est-ce que lorsqu'on prie, on est conscient que l'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala? On est conscient que l'on a besoin de l'aide d'Allah pour l'adorer? On est conscient que l'on a besoin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide pour être sur ce droit chemin et pour rester ferme sur celui-ci? Ou est-ce qu'on est du nombre des insouciants et des distraits? Et chacun est plus connaisseur de sa personne. Et celui qui récite cette sourate, sans être conscient de cela, alors il ne fait aucun doute qu'il n'en tirera pas profit, wallah al-musta'an. Donc ceci nous encourage à faire des efforts dans la méditation du Coran et plus particulièrement de sourate al-Fatiha. Car c'est à travers la méditation du Coran que tu trouveras la bonne voie et que tu seras parmi les bien guidés, incha'Allah ta'ala. Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: تدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. Médite le Coran si tu recherches la bonne voie, car la science se trouve à travers la méditation du Coran. Ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: فإنه إذا كان رب فلا بد من مربوب. S'il y a un seigneur, il y a forcément un serviteur sous sa seigneurie. Et on tire cela de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alamin, Seigneur de l'univers. Donc ce verset nous indique qu'il y a un Seigneur et que les créatures sont sous la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit: وَإِذَا كَانَ هُنَا رَاحِمْ فَلَا بُدَّ مِنْ مَرْحُومٍ. S'il y a celui qui fait miséricorde, il y a forcément celui à qui on fait miséricorde. Et il tire cela de Ar-Rahman, Ar-Rahim. Si Allah subhanahu wa ta'ala est tout miséricordieux, très miséricordieux, alors forcément il fait miséricorde. Et ceux à qui il fait miséricorde, ce sont les créatures. Donc tu espères faire partie de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde. وَإِذَا كَانَ هُنَا مَالِكْ فَلَا بُدَّ مِنْ مَمْلُوكْ. S'il y a celui qui possède, celui qui est maître, il y a forcément celui qui est possédé. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. Maître du jour de la rétribution. Et l'ensemble des créatures et des serviteurs font partie du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala et sont sous sa possession. وَإِذَا كَانَ هُنَا عَبْدٌ فَلَا بُدَّ مِنْ مَعْبُودٌ. Et s'il y a un adorateur, alors il y a forcément un être adoré. Et l'être adoré, ce n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Ensuite il dit: وَإِذَا كَانَ هُنَا هَادٍ فَلَا بُدَّ مِنْ مَهْدِ. S'il y a celui qui guide, alors il y a forcément celui qui est guidé. Lorsque tu dis « ihdina sirat al-mustaqim », tu demandes à Allah de te guider. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui « al-hadi », c'est celui qui guide. Il guide qui il veut, il égare qui il veut. Donc il y a forcément ceux qui sont bien guidés, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie d'eux. « وَإِذَا كَانَ هُنَا مُنْعِمْ فَلَبُدَّ مِنْ مُنْعَمٍ عَلَيْهِ » S'il y a celui qui comble de faveur, il y a forcément celui qui est comblé de faveur. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie d'eux. « وَإِذَا كَانَ هُنَا مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ فَلَبُدَّ مِنْ غَاضِبٍ » S'il y a ceux qui encourent la colère, il y a forcément celui qui est en colère. On a vu ceux qui encourent la colère, qui sont-ils? Ce sont les juifs et ceux qui ont suivi leur voie. Parmi ceux qui ont la science, qui connaissent la vérité, mais la délaissent et ne la mettent pas en pratique. Et al-ghadab, la colère, cela fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre celui qui, parmi ses créatures, lui désobéit et s'oppose à ses ordres et transgresse ses interdits. وَإِذَا كَانَ هُنَا ضَالٌ فَلَا بُدَّ مِنْ مُضِلٍ S'il y a celui qui est égaré, il y a forcément celui qui égare. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a dit, il guide qui il veut et il égare qui il veut. Donc l'auteur, il a mentionné tout cela, car ce sont des actes que l'on retrouve dans cette courte sourate. À travers cette sourate, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il guide et il égare qui il veut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il comble de ses faveurs qui il veut. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il possède, administre tout dans cet univers, car il est Rabbul Alamin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre certaines de ses créatures qui lui désobéissent. Délaisse ses ordres, transgresse ses interdits. Et ainsi de suite, parmi les bénéfices que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionnés. Ensuite, il termine en disant, « فَهَذِهِ السُّورَةِ تَضَمَّنَتَ الْأُلُوهِيَّةِ وَالْرُّبُوبِيَّةِ وَنَفْيُ النَّقَائِسِ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ » Donc cette sourate, elle comprend la divinisation, c'est-à-dire l'unicité dans l'adoration, la seigneurie, l'unicité dans la seigneurie, et la négation des manquements, concernant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de tout défaut et de tout manquement. Et tout cela est démontré par cette sourate comme on l'a mentionné. Ensuite il dit « وَتَضَمَّنَتْ مَعْرِفَةُ الْعِبَادَةِ وَأَرْكَانِهَا » Et elle comprend également la connaissance de l'adoration et de ses piliers. C'est-à-dire qu'elle comprend la connaissance de l'adoration qui est un droit exclusif d'Allah. « إِيَّاكَ نَعْبُدْ » C'est toi seul que nous adorons. Et ces piliers qui sont, comme on a vu, l'amour, l'espoir et la peur. On adore Allah subhanahu wa ta'ala par amour pour lui, par espoir de sa récompense et par peur de son châtiment. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, termine en renvoyant la science à Allah subhanahu wa ta'ala et il dit « Wallahu a'lam » et Allah sait mieux. On a donc terminé, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture de cette courte épître dans laquelle l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné ces leçons immenses et très bénéfiques. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre d'en tirer profit. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم